pour toi. Y'a un truc que je n'emmènerai pas. T'inquiète pas pour ça, il te connaît déjà. Car mon fantôme et moi, on est fait dans le même bois. Une entité comme ça, on n'en trouve pas des tas. Donc ça ira ou pas. En tous les cas de toi, moi, un jour ou l'autre, je suis sûr de ça. Toi et moi, un jour, c'est sûr, on se lira. Ça ira ou pas. Sans toi, avec ces gens que je côtoie, ces fantasmes étranges et gras.